je sais pas par où commencer. Au final, je ne te connais pas. Tu n'es qu'une ombre sans reflet dans ce miroir qu'est ma vie. J'ai ce triste constat, 12 ans sans vis-à-vis, en 20 ans croisé 6 fois. J'ai eu des nœuds dans la gorge, des cordes sur mes joues. Une mère forte qui craquait jamais devant nous. Papa, j'ai un fils, tu le sais pas, la seule fois où je suis venu, on s'est pris la tête grave. T'avais coupé les ponts comme nos cordons ombilicales. Comme chacun les dents placenta. Mag et moi on a grandi sans me comprendre, ne voulant rien d'autre qu'une carte de temps en temps. C'est bien la première fois que je prends le temps d'écrire ces mots, que je me donne la peine de dévoiler mon lourd fardeau. T'es parti bien avant l'âge où j'aurais pu t'appeler papa. T'as préféré laisser ta petite famille derrière toi. C'est triste, mais t'as tout foutu en l'air. Je dois pas te ressembler parce que j'ai pas un cœur de pierre. Pourtant, souvent maman me dit que j'ai ton caractère. Et ça me glace le sang parce que je veux pas vivre ton enfer. Ce que je comprends pas, c'est que t'as eu la chance de te racheter. Mais tu n'as fait que te comporter comme un raté. Tu n'as réussi qu'à critiquer ma mère. La femme de loin la plus importante dans cet univers. Celle qui a tout fait pour moi, qui m'a vu grandir et qui a même réussi à me trouver un deuxième papa. D'ailleurs, ces quelques vers, je te lui dédie parce que sans lui, ma vie n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. Ton absence m'a vraiment marqué. Face à cette peine, je me suis démarqué. Maman, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se finisse en divorce? La solitude nous a braqué. Mon cœur dans l'effort est baraqué. Papa, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se finisse en divorce? En réfléchissant bien et bien, je pourrais quasiment dire que j'ai grandi sans des souvenirs étourdissants. Et en parlant des conseils, peut-être qu'il m'en a dit 100. Mais à 7 ans, c'est un âge à peine décent. Je garde infidélité après les engueulades et puis la sévérité. Tu veux la vérité, c'est une fois qu'il est parti que j'ai vu la liberté. C'était mieux pour ma mère, mais elle n'a pas compris vu qu'elle a fondu en larmes. Elle devait réagir avant d'en tomber malade. Après je fus scotché de part et d'autre chez les parents de mes parents. Mais à 12 printemps, différent fut le chemin que j'empruntais. À la quinzaine, la police possédait mes empreintes. Et ce n'était pas la peine de partir en sprint dans une instruction maudite. Aucune structure n'a été dictée ou n'édite. Je le voyais seulement une fois sur les 12 mois. C'était bien assez, fallait que je me faufile en 12 mois. Je prends pas mon cas pour une généralité, pour une banalité où s'opposera moralité. Si vous saviez combien j'ai peur des mots, j'ai recommencé ce texte un million de fois sans avoir une lueur d'ébauche. Je peine à l'écrire, c'est peut-être que des mots, mais mes premiers l'ont fait fuir. Je me souviens pas de grand chose, juste d'un départ et d'un tas de sanglots. Faut pas chercher à comprendre, mais accepter avec le temps que celui dont tu as le sang n'est qu'un fantôme. Après ça tu vis avec, même si ton bonheur a pris un autre diamètre. Je demande pardon à ma mère d'avoir été aussi instable. Quand elle me tendait les bras, moi je lui dégainais un sabre. Un petit casiotiste, en 87 j'étais un gosse chaotique. Est-ce de ta faute le fait que tu nous quittes? À 2000 km j'ai un père qui m'oublie. Si mes sœurs savaient à quel point je les aime, leur absence m'a tiré une flèche de poison dans les ailes. Je pensais m'envoler loin de tout ça en mûrissant, mais l'attraction du sol est venue surpuissant. Ton absence m'a vraiment marqué. Face à cette peine je me suis démarqué. Maman, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se finisse en divorce? La solitude nous a braqué. Mon cœur dans l'effort est baraqué. Papa, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se finisse en divorce? Ton absence m'a vraiment marqué. Face à cette peine, je me suis démarqué. Maman, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se finisse en divorce? La solitude nous a braqué. Mon cœur dans l'effort est baraqué. Papa, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se finisse en divorce? Qu'est-ce qui s'est passé?